Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Dans son programme de donner la parole au candidat président, votre station, la radio Isanganiro, a l'honneur d'accueillir aujourd'hui en exclusivité l'indépendant Francis Rohero qui va nous parler de son projet de société, des défis observés pour le Burundi et les Burundais, des solutions qu'il préconise, etc. Je rappelle en passant que 3 élections combinées, à savoir la présidentielle, les législatives et les communales, sont prévues le 20 mai prochain. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebutsi, Léonidas Kirombo est à la réalisation et au micro, Léon Sebitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro. Monsieur Francis Rohero, merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bonjour d'abord et on va débuter par une petite présentation. Ce n'est peut-être pas une première fois, mais qui est Francis Rohero? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter candidat en tant qu'indépendant? Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Francis Rohero. Je suis natif de la ville de Bujumbura. J'ai mes origines dans la province de l'intérieur du pays de Gitega, au centre de ce pays. Si vous me demandez ce qui m'a motivé, c'est d'abord, depuis ma jeunesse, je me rappelle que moi, j'ai vu quelques cartes postales. Des cartes postales de mon père quand il était aux études en Europe. Je me rappelle qu'il écrivait à sa fiancée, qui est ma mère aujourd'hui, c'était dans les années 1967. Vous avez vu la lettre? J'ai vu ces cartes. Et à cette époque, il disait que l'Europe est jolie. Il était en Espagne à cette époque. Il racontait à sa fiancée que l'Espagne est pauvre, mais que grâce au tourisme, que ce pays est vraiment joli. Et il pensait que le Burundi pouvait être meilleur. Quand j'ai vu ces cartes, c'était en 1981, j'avais 9 ans. Et l'année suivante, le Burundi a eu l'honneur d'avoir une télévision. Et quand je regardais la télévision à cette époque, je me rappelle que j'étais heureux de voir qu'en Europe, il y a des routes très jolies, des jardins, de belles maisons. Je me disais, à cette époque, on habitait à Nyakabiga, je me disais, pourquoi le Burundi n'est pas ainsi? Voilà, j'ai donc grandi avec une volonté de vouloir le meilleur pour mon pays. Et curieusement, mes études à Bhoutan m'ont donné une possibilité de croire en moi quand j'ai vu que je pouvais rassembler des jeunes pour un objectif commun, rassembler des Hutus et des Tutsis. Et par après, j'ai eu l'honneur de travailler dans le gouvernement du Burundi comme conseiller à la présidente de la République. À cette époque, donc, je me rappelle, je me suis dit non, je peux conseiller, c'est bien, mais peut-être qu'on ne m'écoute pas assez. Et je me dis, pourquoi ne pas organiser les jeunes, organiser les Burundais à une logique? Voilà ainsi ce qui m'a poussé depuis 2006 à créer un mouvement citoyen dans lequel je voulais enseigner le leadership, la non-violence. Vous avez travaillé à cette grande institution quand, à quelle époque? C'était de 2005 à 2008. Et j'ai démissionné dans la foulée en 2006 parce que je ne me sentais pas bien. Vous avez démissionné du poste? Oui, j'étais conseiller à la deuxième vice-présidence de la République. Et vous avez démissionné? Oui, naturellement, c'était normal. J'ai démissionné. C'était à cause de quoi? J'ai démissionné dans le parti. Parce que ma vision ne cadrait plus avec mes aspirations, donc c'est tout à fait normal. C'était le parti CNDD-FDD au pouvoir. En effet, oui. Donc, vous avez été militant du parti politique, le CNDD-FDD, qui est au pouvoir. Et pourquoi l'avoir quitté? Qu'est-ce qui vous a déçu exactement? Je ne dirais pas en soi une déception, mais je dis par rapport à ma vision. C'est-à-dire, quand j'ai adhéré naturellement avec une volonté de voir le meilleur. Quand je ne l'ai pas trouvé, j'ai compris que les gens avaient leur vision. Ce n'est pas une déception. Je me suis dit, il faut que j'aille quelque part où je peux, moi, créer ma vision, chercher une logique qui me permette une autre chose au Burundi que je pouvais à cet instant qualifier d'une vision économique. Parce que j'avais vécu depuis l'enfance une logique qu'au Burundi, toute la politique est basée sur simplement le partage des postes, évincer les autres pour qu'on accède au pouvoir. Une logique militaire, policière, ce que moi je ne comprenais pas. Et moi je me disais, la raison de tout ça, c'est qu'on n'a pas une bonne politique économique qui puisse satisfaire les individus qui aspirent au pouvoir. Alors à cet instant, moi je me suis dit, je ne suis pas nécessairement déçu, mais je me dis, est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux recadrer la politique burundaise, à ne pas être une politique de dissension entre les groupes, une politique qui était presque basée sur les conflits entre groupes, où je me dis, est-ce que je peux rassembler les Burundais à comprendre leur vision pour l'avenir, à comprendre que sans investissement, que sans revenus, on sera toujours dans des problèmes. Et c'est pour cela que je me suis dit, il faut que je m'écarte un peu des partis politiques, il faut que je crée une autre logique dans ce pays, et je crois que c'est ce que je suis en train de faire, et j'en suis satisfait pour Est-ce l'instant. Est-ce que vous pensez que vous seriez le bon rassembleur étant seul, sans parti politique? Un indépendant n'est pas seul. Un indépendant, c'est juste une logique dans ce pays. On dit un indépendant par rapport au parti politique, mais en réalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas un parti politique, mais vous êtes avec d'autres Burundais. Donc, en tant qu'indépendant, d'abord, je voulais m'offrir une volonté d'être correct avec moi-même, d'être correct avec tous les Burundais, ne pas les amener nécessairement dans une boîte, presque une boîte de sardines, à ne pas penser à juste à se laisser emporter par le chef, mais en me disant, est-ce que je peux créer une logique de cohabitation avec tout le monde, où je parle de mes idées et où les autres peuvent les comprendre ou les discuter si nécessaire. Et c'est cela que je voulais dans la politique burundaise. J'avais honte de voir que des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des moyens, se mettent quelque part dans une salle. On vous dit, tout ce qu'on a dit, c'est comme ça, vous ne posez pas de questions. J'en avais ras-le-bol de cette situation. Et je disais, il faut qu'on soit indépendant. Et je le souhaite à tout le monde. Je veux que ce pays, au niveau des adultes, soit gouverné comme des enfants. Vous savez les enfants comment ils sont. Est-ce que vous pouvez espérer que l'électorat au Burundi placera sa confiance en Francis Lohero, un indépendant? Je crois que la confiance, je suis en train de la vivre depuis quelques années. J'ai regardé depuis que j'ai annoncé que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout dans ces élections. À cette époque, personne ne savait ce qu'on faisait. On n'avait presque pas de moyens. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui adhèrent massivement, quand je vois les gens qui nous soutiennent, qui font tout ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à notre objectif, je me dis l'espoir il est là, c'est pas moi qui le fais, c'est la population qui va le créer. Mais alors, qu'est-ce qui vous a plu? Il y a tout de même quelque chose qui vous aurait plu pour le pouvoir depuis 2005, qu'est-ce que vous voulez comme changement? D'abord, beaucoup de choses m'ont plu. Moi, j'ai été membre d'un mouvement rebelle, un mouvement rebelle qui s'est battu pour une cause juste. Mouvement rebelle Le CNDD-FDD. Mm-hmm. J'ai adhéré à cette cause parce qu'à cette époque, je me disais, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et j'ai milité dans ce moment pour que il y ait intégration de l'armée, qu'il y ait une armée nationale où tous les Burundais peuvent se retrouver et une police qui protège tout le monde. Donc je me dis, en matière de résultats, à cette époque, j'étais content. Ce qui restait, c'était la gestion de ces choses. C'était une vision économique qui arrive à satisfaire les Burundais au point qu'eux-mêmes, ils ne se disent pas, si je ne suis pas policier, si je ne suis pas militaire, je serai rien. Et je me tue à expliquer aux gens, vous êtes militaire aujourd'hui, vous êtes général, vous êtes colonel, demain, vous ne le serez pas. Qu'est-ce que vous pensez après votre vie, après votre carrière? Qu'est-ce qui viendra? Et je voulais que les gens prennent conscience de cela. Que tant qu'on n'est pas capable de mobiliser la population à comprendre qu'on doit produire n'importe quel poste, fût-il être président de la République, être général, le plus haut gradé qui soit, c'est une peine perdue tant que le pays n'est pas viable économiquement. C'est ce que je voulais dire aux gens. Et aujourd'hui, je suis en train de constater que malheureusement, économiquement, on est en régression. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et je suis satisfait quand vous le dites, il y a eu des choses qui ont été construites. Mais est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on pouvait faire? Je crois qu'aujourd'hui, le Burundi serait satisfait en matière d'alimentation. Il devrait être satisfait en matière d'offre d'emploi. Il devrait être satisfait en matière d'offre de services sociaux. Ce n'est pas le cas. Et c'est ça que je veux que la jeunesse actuelle se tue à offrir, à créer, à imaginer. Pas qu'on reste là en nous disant on a acquis ce qui s'est passé en 2005. Oui, avec les négociations, on a acquis une certaine raison. Mais est-ce qu'on va rester là éternellement? Et est-ce qu'on s'est protégé assez? On s'est projeté assez dans 15 ans à être vraiment ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que les gens sont satisfaits de 15 ans, d'un bon de 15 ans aujourd'hui économiquement? Je ne crois pas. On est même presque, je crois, à la rizière de pouvoir revenir dans la violence tant que les gens ne sont pas satisfaits. Voilà donc ce que je me dis, ce qu'il faut changer, c'est d'offrir à ce pays une vision économique, d'offrir à ce pays une vision sociale qui arrive à satisfaire les gens, d'arriver à créer une justice équitable pour ce pays où les gens ne se sentent pas supérieurs uniquement parce qu'ils sont dans le pouvoir. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Est-ce que Francis Lohero est un économiste de carrière? Oui, de formation, de carrière peut-être pas tellement, mais j'ai évolué dans beaucoup d'activités qui m'offrent la possibilité de faire des analyses économiques. J'ai fait beaucoup de lectures. Et je travaille dans une institution qui aujourd'hui me permet de me ressourcer régulièrement dans l'université du Burundi. Et je côtoie régulièrement des hauts cadres économistes, juristes et autres du Burundi. Et je me dis que je nourris suffisamment une raison de pouvoir créer la différence dans l'avenir de ce pays. Mais alors, vous avez quel projet de société pour le Burundi? Oui, je crois que mon projet de société, d'abord, c'est 5 livres au complet. Aujourd'hui, 5 livres. Et je veux que les gens comprennent parce qu'au-delà de vouloir me faire élire, je veux enseigner. Je veux qu'au Burundi, il y ait une autre raison politique. Et c'est ce que je me tue à expliquer aux jeunes aujourd'hui. Et depuis 5 ans, j'ai mis au grand jour ma vision politique. C'est un grand livre en français que j'ai traduit en Kirundi. Un livre qui offre une image de ce pays, ce qu'il pourrait être en 2100, 2200. Vous l'avez publié. Je l'ai publié officiellement dans ce pays et tout le monde l'a. Je l'ai donné aux autorités burundaises, à beaucoup de membres des partis politiques. Je voulais que les gens cessent de croire que quand on offre ses idées aux autres, on les perd ou on se les fera voler. Je voulais que les gens comprennent qu'il faut qu'on partage l'intelligence. C'est dommage quand des gens meurent avec ce qu'ils savent dans le cœur. Après cette vision que j'ai écrite donc depuis déjà bientôt 6 ans, j'en ai sorti un manifeste. Ce que moi je dis, qu'est-ce qu'on aura de commun en 2020? C'est un manifeste, c'est un petit document de 24 pages où j'ai dit aux gens, en réalité, on n'est pas différents. Parce qu'on est Hutu-Tutsi, parce qu'on est au CNL ou au CNDFDD, au Front des Voix Liprona. On n'est pas différent parce que certains ont étudié et d'autres non. On est les mêmes parce qu'on a les mêmes besoins. Oui. C'est ça que je voulais que les gens comprennent. On est tous les mêmes parce qu'on a des mêmes besoins. On a besoin de satisfaction économique, on a besoin de satisfaction juridique et autres. Et il nous faut une belle vie. Et ce manifeste montre bien et très bien comment, à ce à quoi on aspire comme peuple ensemble. Oui. Et troisièmement, j'ai sorti des enseignements. Un livre d'enseignement, c'est un petit livre de 40 pages où j'explique très bien aux gens qu'il ne faut pas qu'on se tue avec des permanences, avec des drapeaux, avec de l'accoutrement. C'est peine perdue. On peut toujours changer d'accoutrement, mais tant qu'on ne change pas le cœur, tant qu'on ne crée pas un cœur solide qui comprend les problèmes des autres dans ce pays, on n'arrivera à rien. Ce livre d'enseignement donne à tous les Burundais une logique de croire en soi. Une logique que ce pays nous appartient à tous, qu'on n'est pas différent parce qu'on a des partis différents, qu'on est un seul pays où nous avons ensemble la vie et la mort selon les leaders que nous allons accoucher dans l'avenir. Et le quatrième document que je suis en train de terminer pour l'instant, c'est un document que j'appelle l'engagement. Je veux que désormais, que les politiciens burundais s'engagent à quelque chose. Il ne faut pas qu'ils disent « je serai élu, je serai suprême, je serai ceci », mais il faut qu'ils se disent finalement à quoi je m'engage. Qu'est-ce que je peux promettre? Qu'est-ce que j'ai dans le cœur et qu'est-ce que je peux donner? C'est un document où je montre ma vie, comment j'ai grandi, où je suis passé, comment j'ai constitué mes équipes et la motivation qui m'a permis de créer tous ces résultats. Donc, je ne les ai pas créés de toutes pièces. C'est une marche très longue qui m'a fait arriver à ce jour. Et le dernier document, c'est les décisions de campagne. En somme, dans tout ce que je dis, on se fait élire pour un mandat. Et actuellement, c'est un mandat de 7 ans. Oui. Au fait, qu'est-ce que je ferai dans 7 ans? Dans 7 ans, je ne ferai pas tout ça. Il ne faut pas que je dise aux gens que je resterai là jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas possible. Je ne serai là que pour 7 ans si les Burundais l'acceptent. Et pendant ce temps, je me suis donné quelques décisions dans chaque secteur. La Constitution prévoit 2 mandats. Tant mieux. Pour l'instant, moi, je parle d'un mandat. Je parle d'un mandat parce qu'on se fait élire pour un mandat. Et le second, on ne peut l'avoir que quand les Burundais sont satisfaits de ce que vous avez fait. Donc pour l'instant, je parle d'un mandat. Et dans ce mandat, je veux que les gens comprennent que j'ai pris des décisions que je vais prendre dans chaque secteur. Quelques décisions qui, d'emblée, dans moins de 7 ans, feraient voir aux Burundais que nous pouvons sauter d'un bond supérieur à ce qu'on a déjà vu, qu'on peut créer la différence. Voilà, c'est ainsi que je viens, tout juste dans cette semaine, de publier ces décisions de campagne que les gens vont voir bientôt. Et je crois que ce sera quelque chose de louable pour ce pays. Ce projet de société, vous l'avez sur vous depuis quand? Est-ce que les Burundais peuvent, nos éditeurs quoi, est-ce qu'ils peuvent en savoir le contenu de façon résumée? De façon résumée... Nous n'avons que quelques minutes. Oui, je ne peux résumer que les décisions de campagne que j'ai scindées en 5 chantiers. Mm-hmm. Je l'ai dit déjà sur ces zones de Radio Isanganiro. J'ai fait 5 chantiers et je veux que les gens, les Burundais, comprennent que le Burundi doit marcher sur des piliers solides. Et là, je parle du premier pilier, c'est d'abord le leadership. L'autorité de ce pays, comment sera-t-il demain? Qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier de lui-même pour pouvoir offrir aux Burundais ce que moi j'envisage comme politique? Ce n'est pas quelqu'un qui vient se plaire dans une balançoire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient se plaire dans des véhicules, dans des jardins, à croire que tout est fait, qu'il a été élu par Dieu. C'est quelqu'un qui se donne un devoir ultime de créer une différence, d'offrir aux Burundais une vie de rêve. C'est quelqu'un qui doit se dire, je suis prêt à sacrifier tout ce dont j'ai besoin. Donner une vie de rêve, de rêve c'est aussi un rêve, n'est-ce pas, Francis? Exactement. C'est là où je dis, il faut que ce gouvernant que moi j'incarne, que je suis en train d'offrir à ce peuple, avec toute son équipe, c'est quelqu'un qui doit accepter de se sacrifier pour offrir le bien économique que moi j'ai déjà cité, le bien juridique, le bien social et complet de ce pays. Et le deuxième chantier, c'est exactement ce que ce dirigeant doit faire pour investir exceptionnellement dans la production. Investir de façon, dans ce pays, on ne l'a pas encore vu, parce que des fois on se plaît de ce qu'on voit déjà. Je veux qu'on investisse dans l'agriculture, que l'agriculture burundais cesse d'être un travail ordinaire. Ce doit être une industrie de production, que l'élevage au Burundi doit être une industrie de production, que la protection de l'environnement dans ce pays doit être le socle de notre développement. On ne peut pas produire sur la terre sans pouvoir la protéger. Que le commerce, le transport, le secteur privé dans ce pays doivent être les piliers d'une économie solide dans ce pays. On doit se donner les moyens pour investir sérieusement dans ce secteur pour que les gens comprennent que tout ce qu'on veut demain, c'est nous-mêmes qui devons le créer. Ce n'est pas des choses qui vont tomber du ciel. Et le troisième chantier... Sans vous couper la parole, oui. Les Burundais, bon, la vie des Burundais s'oppose essentiellement sur l'agriculture, mais on utilise encore la houe. Merci de le dire. Je ne crois pas que la vie burundaise repose sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous? C'est ce que les gens disent, que ça repose sur l'agriculture, mais déjà, nous sommes dans un pays où on a une carence en matière de produits alimentaires. Je crois que vous le voyez. À nos marchés, on achète... difficilement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de notre monnaie n'arrive pas à nous offrir ce dont on a besoin en matière de sécurité alimentaire. Donc si je dis ça, si vous me demandez ce que je prévois de faire là-dedans, c'est-à-dire c'est un chapitre de ce grand chantier de production, je veux investir de façon exceptionnelle jusqu'à 60%, j'ai dit, dans la production. Et en l'occurrence en agriculture, je veux que 100 communes rurales de notre pays aient en moyenne un investissement d'un milliard de nos francs, c'est uniquement moins d'un dixième de notre budget à investir dans l'agriculture. Et je veux que 100 communes. Oui, 100 communes, parce qu'au Burundi, vous savez, oui, 1 milliard par commune. 1 milliard oui, par commune. Oui, j'ai dit, c'est un dixième de notre budget. Notre budget qui aussi aujourd'hui a plus de 100 milliards. Un dixième, ce serait uniquement 100 milliards. Je crois que vous me suivez. Et chaque commune, parmi les communes rurales, une commune aurait facilement 1 milliard. Je me plais à comprendre qu'il y a 5 ans, quand je dis ça, je me plais à voir que le gouvernement burundais a essayé de le faire avec un peu d'embûche, bien sûr. Il a donné aux communes 500 millions. Il a donné aux communes 500 millions. Aujourd'hui, c'est 570. Mais la logique, ce n'était pas de donner l'argent aux communes. C'est d'investir dans quelque chose. Il ne s'agit pas de donner de l'argent aux autorités communales, de donner l'argent aux gens des partis, de leur donner de l'argent, ce n'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on donne de l'argent ou on investit à travers ces... Je pourrais même te demander, est-ce que depuis 5 ans, vous avez au moins suivi, quelque part, on fait le contrôle de cet argent? Est-ce qu'on vous a montré les résultats en matière de chiffres par rapport à tout l'argent qui a été distribué aux communes depuis 5 ans? On ne l'a pas fait. Est-ce que l'Assemblée nationale a au moins fait une étude sur ça pour montrer que certaines communes ont au moins progressé par rapport à ça? Et quand je vois l'argent, on nous a dit qu'on a construit des maisons. C'est une bonne chose de construire, mais ça, les maisons, on ne les mange pas. Est-ce que depuis 5 ans, notre pouvoir d'achat s'est augmenté plus ou moins? Je ne crois pas. Donc c'est pour cela que je dis, Il ne s'agit pas de donner de l'argent aux communes. Il s'agit d'investir. Il s'agit de chercher ce que je disais l'autre fois, des mercenaires économiques. Des gens qui viennent nous aider à investir dans notre production. J'utilise bien le mot mercenaires économiques. Dans l'OTAN, on voyait des mercenaires militaires, des gens qui venaient aider les pays africains à faire la guerre. Aujourd'hui, je dis, cherchons des mercenaires économiques. Mmh. Cherchons des gens qui viennent nous aider. J'ai l'exemple, je me rappelle, j'ai suivi à la radio, dans votre radio et dans les autres, l'ex-président burundais des années 76 à 87, c'est M. Bagaza, qui disait qu'il avait un gouvernement parallèle d'Allemands qui est venu pour l'aider. Pour l'aider. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait dans 10 ans s'il n'avait pas des gens calés qui comprennent ces choses. Ouais. Et chez nous, je veux que les gens comprennent. Si on veut investir dans nos communes, si on veut vraiment investir dans notre économie, il faut qu'on cherche des Burundais capables. À défaut, il faut que même on cherche même des étrangers qui viennent nous aider. Beaucoup de gens, beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train de progresser, ils le font naturellement. Pourquoi pas nous? Je veux donc que dans notre agriculture, on puisse investir et que si je dis 1 milliard par commune, c'est-à-dire avec l'agriculture, l'élevage et l'environnement, on puisse créer des groupements que certains aujourd'hui ont essayé de baptiser, soit association ou coopérative. Ce n'est pas le nom qui m'importe. Pour moi, ce qui m'importe, c'est des groupements qui mettent au travail, les Burundais. Il ne s'agit pas de leur promettre qu'on va leur donner de l'argent, mais qu'on leur dise comment ces choses vont se faire. Ainsi, dans ces groupements, moi j'ai prévu qu'il y aurait probablement jusqu'à 4000 emplois créés au niveau du secteur primaire. Environ. Nouveaux emplois ? Oui, parce que ça n'a jamais été possible. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, on voit nos paysans, qu'on appelle paysans abusivement, c'est-à-dire chez nous, les agriculteurs, c'est qui? C'est tout Burundais qui n'a pas été à l'école. Où est-ce que vous tirez ce chiffre de 4000 emplois? C'est ça que moi je dis. C'est 20 groupements qui ont en moyenne 100 personnes qui vont travailler dans l'agriculture. Je dis, c'est 10 groupements qui ont en moyenne 100 personnes qui vont travailler dans l'élevage. Et c'est 10 groupements qui ont en moyenne 100 personnes qui vont travailler dans l'environnement et la protection de la terre. C'est-à-dire, en moyenne, par commune, 4000 personnes dans le niveau du secteur primaire. Et je veux que ces gens, quand ils iront au travail, avec cet investissement, avec tout ce qui corrobore avec l'agriculture telle que je le dis dans mon programme, c'est-à-dire, ça occasionnera probablement d'autres gens qui ne sont pas dans le secteur primaire, c'est-à-dire des jeunes cadres qui ont terminé des humanités, par exemple, et d'autres qui ont terminé des universités, qui vont se mettre là pour gérer tous ces groupements. C'est ça qui va créer une possibilité de faire travailler d'abord les gens à la base, de faire travailler les gens à un autre niveau, c'est-à-dire des cadres, des agents, et jusqu'aux licenciés et aux bacheliers, qui sont aujourd'hui nombreux dans les rues, qui n'ont pas de travail, qui pourraient s'occuper à gérer ces groupements dans nos communes. Ce sera pratiquement jusqu'à 360 000 personnes que moi je pourrais mettre au travail juste dans un premier temps, dans les 3 mois à venir, dès que l'investiture de ce pays sera. Trois mois. Je dis bien, parce que vous savez que l'investiture de ce pays... C'est-à-dire que ça peut se faire en 2020, en cette année 2020, si c'était vous. Naturellement, Léonce, c'est-à-dire l'élection se passe au mois de mai. Oui. L'investiture d'un nouveau président, qui sera probablement Francis, se fera le 20 août. C'est-à-dire, on sera à la veille de la saison B agricole, c'est-à-dire avec la pluie qui commence en septembre. Déjà là où je vous parle, moi, je suis en train de préparer ces choses. Je ne les fais pas parce que nécessairement j'aurais gagné nécessairement les élections, mais je les prépare déjà dans ma conscience. Même quand cela ne devrait pas arriver, mais je suis en train de donner un bon exemple. Moi, je ne vais pas arriver à gouverner juste parce qu'il y a l'investiture. Ça fait quelques années que je me prépare déjà à ça, que je comprends que c'est une course de relais. Le premier jour, vous entrez au bureau et... Oui, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions parmi mes décisions qui seront prises presque le premier jour. Il y a des choses qu'on ne doit pas attendre. Mais il y a des décisions qu'on prendra dans 3 mois et des décisions de 6 mois. Et naturellement, des décisions de court et long terme. Vous avez des hommes et femmes qui sont déjà préparés pour ça. Et Burundais. Vous les voyez. Ce sont des Burundais. Vous les voyez. De tous les partis politiques, de mon groupe, des jeunes et d'autres partis politiques. Et moi, je ne fais pas de distinction. Quand je vois un hippronyste intelligent, quand je vois un CNDD, quelqu'un du CNDD qui est intelligent, du CNL ou de la société civile ou de n'importe où, moi, j'ai un œil sur lui. Et c'est un travail que je fais depuis presque 10 ans. Quand je vois des gens que j'admire, quand j'entends les gens c'est-à-dire parler... C'est-à-dire que vous avez déjà des gens que vous êtes en train de repérer aujourd'hui. Bien sûr, dans mon organisation, j'ai ce qu'on appelle un département d'avenir, dans lequel on est en train de recenser des gens. Depuis plus de 4 ans, on fait ce travail. On est en train de penser, si ceci arrive demain, qui on pourra mettre là? c'est un travail qu'on fait déjà depuis très longtemps. Entrons un peu en détail, Monsieur Francis Rojero. Qu'est-ce que vous comptez faire mieux? J'avais pas encore terminé par rapport au chantier. Bon, j'espère qu'on va y revenir. Bon, les chantiers, vous pouvez vous résumer et y aller directement avec cette autre question. Ce que vous comptez faire mieux dans divers secteurs de la vie nationale. Je parlais de la vie au niveau politique, économie, santé, éducation, justice, droits de l'homme, sécurité, etc. Si vous voulez, ça me ramène, ce que vous dites, ça me ramène dans le troisième chantier. Là, je parle de social et culture humaine. Là, je parle de social et culture humaine. Je dis aux gens, nous devons comprendre que quand nous avons été capables de produire la nourriture, il nous faut produire des hommes de valeur. Et pour produire des hommes de valeur, il nous faut penser à l'éducation. Il nous faut penser à la santé de la population. Et il nous faut penser naturellement à la sécurité sociale de notre population. Et c'est le grand chantier, et c'est le grand chapitre de ce chantier. Et il faut naturellement là-dedans penser à l'emploi, à la fonction publique, parce que rien ne se fera dans ce pays, de ma politique et de la politique de qui que ce soit, tant que les fonctionnaires burundais ne sont pas traités avec honneur. Donc je dis, dans ce chantier, je pense à tout ça. Si vous me demandez donc avec l'éducation ce que je pense, aujourd'hui je suis en train de me dire, nous avons eu la chance ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été à l'école. Et heureusement, beaucoup d'universités sont nées et ils ont produit des gens. Mais jusque-là, ils sortent pour rentrer à la maison, ils sortent pour dormir, ils sortent pour errer dans les routes. Ce n'est pas possible. Nous devons donc penser que nos écoles doivent produire pour quelque chose, avec une finalité jusqu'à l'emploi. C'est ce que donc je dis. Je veux d'abord que l'école aujourd'hui donne 5 piliers. On ne peut pas avoir une école parce qu'on a construit des maisons, mais l'école c'est d'abord un enseignant heureux. C'est aussi un élève heureux. C'est d'abord le matériel didactique. C'est aussi la relation entre politique, parents et enseignants qui doivent comprendre de la même manière ce que signifient les politiques d'enseignement. Et c'est en dernier lieu les locaux. Et si je me résume jusque-là, je veux que l'étudiant burundais, l'élève burundais soit vraiment heureux. Il ne faut plus que demain on arrive à dire à nos étudiants qu'on va leur donner une bourse qu'ils vont la payer. Des élèves, des étudiants heureux, des enseignants heureux, des fonctionnaires heureux. Oui. C'est ce que vous préconisez. D'abord pour les enseignants, j'ai dit déjà, l'enseignant doit avoir un bon salaire, je l'avais dit. Tout fonctionnaire de l'État, en effet. En effet, mais l'enseignant d'abord au podium de ce que moi j'appelle le fonctionnaire. Il faut qu'il soit respecté. C'est lui qui donne à tout le monde la valeur que chacun a aujourd'hui. Et je veux que l'enseignant soit respecté. Malheureusement, des fois, on nous dit que les enseignants sont nombreux comme si c'est un péché qu'ils ont commis d'être nombreux, alors qu'ils doivent être nombreux. Un enseignant qui touche actuellement, disons, 100 000, je prends une somme au hasard, 100 000 francs burundais. Oui. Vous allez multiplier ça par combien? Ce n'est pas une question de multiplication, c'est une logique de créer ce que moi j'ai dit, la production, arriver à faire des caisses bien remplies et de donner à l'enseignant burundais le meilleur. Mais déjà d'emblée, je ne voudrais plus voir un homme politique qui soit mieux payé qu'un enseignant. C'est ce que moi je vais prendre comme ma première décision. Je ne veux pas avoir un président de la République, un ministre, qui reçoit un salaire qui est double de celui d'un enseignant. Je ne voudrais pas voir ça dès que moi je serai président. Il faut que les gens comprennent. Si nos finances ne sont pas encore capables de rehausser le salaire d'un enseignant, il faut aussi diminuer le salaire d'un homme politique. Parce que la lutte des hommes politiques se fait aujourd'hui chercher un c'est salaire. C'est exactement quel enseignant dont vous parlez? Un enseignant d'université, un enseignant du secondaire? Non, je dis le commun ici chez nous, un enseignant, c'est un licencié qui a terminé ses études dans l'université et qui est enseignant à l'école secondaire le plus souvent. C'est d'abord celui-là. Je prends la limite. Si Francis Rojero devient président, il peut avoir Il n'aura pas le salaire double d'un enseignant. Je le dis, je le vis aujourd'hui, je connais mon salaire. Il ne me fait pas perdre ma valeur. Et je le garde avec honneur. Je sais que c'est un salaire qui est petit par rapport à l'économie que nous avons aujourd'hui. Je veux qu'on produise pour offrir à Francis ou à tous les fonctionnaires un salaire décent. Et cela n'est pas possible si on n'arrive pas à produire. Et tant qu'on n'a pas encore produit, je veux que Francis, comme président, ait un salaire aussi ordinaire comme tous les fonctionnaires. C'est ça le sacrifice dont je vous ai parlé au début. Qu'est-ce que vous prévoyez, M. Francis Rojero, dans le secteur de l'énergie? On survole, je crois que oui, c'est peut-être le temps. Parce que oui, c'est le temps. au Burundi, vous savez, pour avoir un secteur économique bien fiable, il nous faut de l'énergie. Et l'énergie, moi, je la cadre dans trois manières. Il y a d'abord l'énergie dont nous avons besoin tous à la maison pour cuire nos aliments. Et naturellement, on est en train d'abattre nos arbres. Et aujourd'hui, les forêts burundais arrivent à 12% du territoire, ce qui était à 56% dans les années 60. Aujourd'hui, donc, je ne serais pas capable de continuer à encourager l'abattage des arbres et la fabrication du charbon pour la cuisine. Je veux que ce mécanisme cesse et je vais investir 50 milliards, je l'ai dit, par rapport aux ateliers que nous avons faits dans notre équipe. Je veux qu'on investisse jusqu'à 50 milliards pour créer un changement en matière de cuisson dans nos ménages, pour qu'on adopte le gaz domestique. Et on doit créer un mécanisme pour offrir à tous les ménages une bouteille à gaz et une plaque pour la cuisine. Donc, je veux que les gens comprennent qu'on doit cesser d'abattre les arbres dès l'année prochaine. Deuxièmement, au niveau industriel, je veux qu'on fait une addition par rapport au secteur actuel. On a des barrages hydroélectriques qui existent depuis environ plus de 30 ans, qui sont aujourd'hui dans une situation un peu déplorable. Chaque fois, on nous dit qu'on est en train de faire des essais, qu'on est en train de faire tout le possible. Tant mieux de tout ce qu'on a fait, parce que le Burundi, depuis 30 ans, les ménages se sont multipliés, les gens qui ont besoin d'électricité se sont multipliés. Et je veux donc que dans une transition énergétique, on puisse drainer l'énergie aujourd'hui hydroélectrique vers l'industrialisation, vers les usines qui produisent, et que dans les ménages et dans d'autres activités, on puisse investir, j'ai dit, 300 milliards sur un schéma de 3 ans dans une logique de créer de l'énergie renouvelable, avec l'exemple qu'on voit à l'hôpital Roi Khaled. Vous voyez une centrale solaire. Et cette centrale peut facilement aider 3 communes à avoir de l'énergie, des ménages. Et je veux qu'on aille dans ce sens pour que l'énergie que nous avons puisse être utilisée essentiellement dans l'industrie, dans les grandes sociétés de production. Et je veux que les gens comprennent ça. Et au bout de 5 ans, on pourrait aller vers une augmentation de cette pensée en investissant dans les mêmes conditions chaque année pour que l'énergie hydroélectrique soit valorisée et qu'ainsi, bien sûr, l'énergie solaire soit utilisée. Il y aurait aussi possibilité de nous ouvrir à d'autres énergies comme l'éolienne et autres qui sont des énergies propres. Et je veux que les gens comprennent. Dans tous les cas, il nous faudrait assez de recherche pour investir là-dedans et pour que les gens comprennent que l'énergie, c'est vraiment la source de la possibilité de tout ce que je dis en matière économique. Vous prévoyez quelque chose sur l'exploitation minière ? Oui, j'ai dit tantôt, nous sommes dans un pays où l'exploitation minière nous fera découvrir dans les années qui viennent beaucoup peut-être d'autres possibilités d'avoir des mines qu'on ne connaissait pas avant et qui pourraient avoir de la valeur. Et je veux que les gens comprennent que moi, je ne mets pas trop en avant l'exploitation minière. Je ne voudrais pas mentir aux gens que l'exploitation minière est une manne pour ce pays, comme partout en Afrique. Un peuple affamé ne peut pas se ruer vers l'exploitation des mines. Ça cause des problèmes, ça devient véritablement les raisons de guerre. Et je veux que les gens comprennent qu'on pourrait investir là-dedans, mais de façon douce. Et je veux limiter, moi, l'attrait des autorités, l'attrait des hommes politiques dans ce secteur où on voit que tous les politiciens veulent se dire investir là-dedans. Et je veux que cela cesse, qu'il y ait une transparence dans l'exploitation des mines et que c'est les sociétés habilitées, et surtout de façon transparente, arrivent à le faire avec un contrôle d'État bien détaillé où on montre au peuple ce qui se fait. Donc, on est habitué aujourd'hui à voir que la plupart des autorités se lancent là-dedans et on ne voit pas ce qui se passe. Et je veux une transparence en matière des mines, et surtout qu'il nous faut beaucoup de recherches pour savoir ce qui se passe. Et naturellement, que tous ceux qui peuvent le faire, comme les paysans de Chibitoke, de Moinga, qui dans le temps exploitaient ces mines de façon un peu publique, en donnant des résultats à la Banque centrale, qu'il leur soit permis de travailler dans ce secteur sans les empêcher, au profit d'autres grands des États, je crois que ce serait quelque chose qu'on fera. Mais d'abord, pour moi, ce n'est pas une priorité. Il faut que les gens le comprennent. Les mines, pour moi, c'est une malédiction tant qu'un peuple n'arrive pas à manger, tant qu'il y a des groupes encore qui se tuent pour faire la guerre à cause de l'insatisfaction politique. Et il y a des gens qui évoquent des problèmes de corruption ici au Burundi. Est-ce que c'est le cas chez Francis Lohero? Qu'est-ce que vous prévoyez corriger? Oui, la corruption au Burundi est une réalité et personne ne pourrait le nier. On est dans un pays où c'est visible de la base au sommet, on le voit. Et je crois que pour lutter avec ça, contre ça, c'est tout à fait normal. Ça dépend, j'ai dit, dans l'autorité. Quel est le gouvernement que le Burundi attend? Le Burundi doit attendre un gouvernant qui est responsable, qui se dit « j'ai une vision et je sais ce que je cherche ». Et la corruption, c'est quoi? La corruption arrive à la base quand elle commence au sommet. C'est quand il y a un président qui peut accepter la corruption dans une certaine mesure. Les ministres vont le faire, les directeurs généraux vont le faire, jusqu'à la base, tout le monde va le faire. Et je veux que les gens comprennent que si moi, Francis, j'ai créé une vision, si j'y crois, je n'aurai pas besoin de corrompre, je n'aurai pas besoin d'être corrompu, et naturellement, personne parmi mes subalternes ne pourra le faire. C'est ça. Le truc se définit dans ce sens. S'il y a quelqu'un à la base qui accepte la corruption et qui donne la corruption, c'est-à-dire que quelque part dans le maillot de responsabilité, il y a quelqu'un qui le permet. Au niveau des échelons supérieurs? Naturellement, ça se fait partout, ce n'est pas seulement ici chez nous au Burundi. Je ne veux pas qu'on se leurre et qu'on croie que c'est des choses qu'on est en train de fabriquer. S'il y a quelqu'un dans le Burundi qui fait de la corruption, moi je ne suis pas là pour venir dire qu'il faut une politique zéro. Non, je ne crois pas à ça. Je crois en moi. Si je ne suis pas corrompu, personne ne le fera. Parce que j'aurai suffisamment tout ce qu'il faut pour châtier tout celui qui le fait. Et je ne peux pas le châtier tant que moi-même je fais la même chose. Voilà. Si on a des dirigeants qui sont capables de tenir leur cœur, de comprendre leur vision et d'aller vers cette vision, alors ce sera facile, ce sera chose faite. Et je crois que la corruption, c'est quelque chose qui est facile à limiter. Tant qu'on a quelqu'un qui le comprend, qui sait où il va. Une petite question, M. Francis Lohero, candidat président. Arrive-t-il un jour à votre personne de penser à la reconstruction du marché central de Bujumbura, qui a été réduit en cendres il y a déjà plus de 7 ans? Je ne dirais pas que seulement la reconstruction de ce centre commercial, qui à un moment donné a fait vraiment le bonheur de l'économie burundaise, mais je crois plutôt à plus que ça. Je crois plus que ça. Le reconstruire, ce serait naturel. Ce serait vraiment chose facile. Moi aussi, je regrette qu'il n'ait pas construit, reconstruit depuis 7 ans. Mais en réalité, ça dépend de la vision de celui qui est en place. Mais je me dis, vous avez vu ce qui s'est passé après la destruction de ce marché. Il y a eu une prolifération des galeries. Et vous voyez la qualité dans laquelle on voit nos galeries. C'est des galeries où vous entrez, vous voyez tout dans la vitrine. Il y a des gens que même si ce centre commercial était reconstruit, des gens qui ne reviendraient pas. Peut-être ceux qui ont moins de capitaux, par exemple, qui sont aujourd'hui au côté bout, où le toit des tôles est juste au-dessus de leur tête à 50 cm. Ils sont tués par la chaleur là-dedans. Si vous entrez là-bas, je ne sais pas si vous avez été là-bas, il y a une chaleur presque journalière à midi qui va jusque dans les 30 degrés et plus. Que quelqu'un supporte cette situation, c'est vraiment dommage. Mais je me dis, il faut qu'on aille vers autre chose. Ce centre, pour moi, ne doit pas nécessairement redevenir comme un marché, comme dans le temps. J'ai pensé, et je l'ai écrit dans ma vision et je le fais dans mes décisions, ici à Bujumbura, nous avons une ville qui a besoin de ce qu'on appelle une gare routière. J'ai pensé déjà qu'il y aura une gare routière au sud, une gare routière au centre et une gare routière au nord. Je veux que les passagers de cette ville arrivent dans des gares où ils peuvent être bien traités, où ils ne peuvent pas perdre leurs choses, où ils peuvent entrer dans des bus des agences où ils entrent avec joie et fierté. Et demain, quelle sera l'image d'un marché dans cette ville? Ce sera ce que moi j'appelle des constructions en hauteur, où on voit des spécialités, on vous dit, en bas c'est de la quincaillerie, en haut c'est des vêtements, au-dessus c'est des appareils technologiques, et encore en haut, c'est peut-être des jouets des enfants. Il faut que les gens s'habituent à ça. Il faut qu'il y ait des spécialisations dans nos marchés. Il faut que nos marchés donnent la joie aux gens, aux cadres, par exemple, d'aller dans les marchés. Parce que j'ai l'impression que ces anciens marchés qu'on a construits dans ce pays, on les cadrait justement à celui qui ira au marché. Et est-ce qui va au marché dans notre pays, dans nos villes? C'est le domestique, c'est le groom. C'est lui qu'on envoie au marché, pieds nus des fois, mal habillé. Et c'est pour cela que les marchés chez nous sont tels que vous les voyez. Je veux que le marché de demain soit un marché où moi, Francis, en tant que président, quelqu'un qui est ministre, quelqu'un qui est directeur, tout le monde dans ce pays se dise, je peux passer dans le marché tel qu'on passe aujourd'hui dans les galeries. On va acheter n'importe quoi parce qu'on se dit, c'est un endroit propre où je peux passer, où je peux discuter facilement avec les commerçants, où ils ont le droit de venir en costume eux aussi, où ils se disent, nous sommes des acteurs au complet de l'économie de ce pays. Donc, à un moment donné, c'est comme si on la cadrait tel que le vendeur et l'acheteur seront des gens minables qui font tout juste pour nous satisfaire sur une table quelque part. Les infrastructures routières, aujourd'hui, ça vous fait quelle image ? Oui, nos infrastructures aujourd'hui sont vraiment dans une situation malheureuse. D'abord, elle était comme ça un peu et elle a été vraiment augmentée par ces pluies que nous venons de vivre depuis 6 mois. Et je crois que la réalité pour mon gouvernement, c'est que je l'ai dit dans les travaux publics, dans le secteur des travaux publics, il nous faudrait créer un mécanisme de, au moins, on ne pourra pas faire toutes les routes, parce que moi je vois ce qu'on voit ici à Bujumbura, parce que vous me posez les questions par rapport à ce que vous voyez, mais moi j'ai été à l'intérieur du pays ces derniers temps, j'ai constaté qu'il y a des endroits où un paysan, un Burundais qui a son régime de banane, il ne peut pas le faire arriver à la grande route pour le vendre, parce qu'il n'y a pas de route, parce que les ponts ont été cassés. Je me dis, quand je parle de route dans ce temps, je veux que d'abord, la première chose, ce sera de au moins retracer au moins les routes qui sont en terre dans notre pays, essayer de reconstruire ces ponts qui sont juste dans des branches qu'on dépose sur les routes, donc, pour que la population arrive au moins à évacuer leur production, peu de production, qui puisse le faire arriver sur les grandes routes. Deuxièmement, je crois qu'à Bujumbura, ce sera vraiment une priorité, je l'ai dit. On doit commencer à nous dire que les routes doivent être reconstruites. On ne le fera pas du jour au lendemain. Et c'est pour cela que dans mon chapitre sur la diplomatie, j'ai dit que nous devons recréer une bonne politique avec les partenaires burundais pour que nous puissions avoir des soutiens pour la reconstruction de ces routes. On ne pourra pas suffisamment avoir assez de moyens pour reconstruire nos routes dans moins de 3 mois, dans moins d'une année. Et je crois qu'il nous faut redynamiser nos relations avec les partenaires économiques de ce pays. Le niveau ou le degré de partenariat entre le Burundi et les autres nations, est-ce que ça vous tente et ça vous fait penser à quelque chose de nouveau ou de mieux ? Oui, on s'est enfermé depuis un certain temps. On a plus travaillé sur la peur, à croire aux ennemis. Et moi, je veux que ma politique change. Je crois plus sans amis. J'ai fait grandir mon niveau de leadership pour croire que tous les Africains, tous les pays du monde entier sont nos frères. Ils ont des choses qu'ils peuvent nous apporter et nous avons des choses que nous devons leur apporter. Donc je crois que nous devons marcher dans ce sens et je veux mettre à contribution toute la diaspora burundaise, les Burundais qui habitent à l'étranger, ceux qui sont partis de bon gré ou ceux qui sont partis comme réfugiés. Nous devons les encadrer et leur permettre une situation dans leur pays qui nous amène à collaborer naturellement avec ces pays. C'est pour cela que j'ai dit, il me faut tellement investir dans le sens de la diplomatie burundaise pour que nous ayons demain des ambassadeurs capables, des ambassadeurs qui ne viennent pas protéger un président, des ambassadeurs qui ne viennent pas protéger un pays, mais des ambassadeurs qui mettent à contribution leur intelligence pour nous aider à collaborer avec les pays étrangers. Et ce serait mieux si c'est des enfants qui sont nés dans ces pays, qui comprennent ce qui se fait là-bas et qui ont une communication facile qui nous ferait entrer en communication avec les gouvernements partenaires pour qu'on puisse avoir des résultats plus rapidement. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour être pragmatique, votre programme de société, c'est beaucoup de choses. Vous estimez que ça va coûter combien au niveau financier ? Oui, j'ai fait une étude sur ça. Nos ateliers ont tellement travaillé sur ça. Nous avons essayé de faire une analyse des budgets des années dernières jusqu'à 15 ans. Le Burundi est passé d'un budget de 345 milliards en 2005 à aujourd'hui 1400 milliards. En faisant cette analyse, ça nous a projeté à une autre logique. Qu'aujourd'hui, on devrait un peu recadrer ce budget afin de diminuer les charges de la population, quelques impôts qui, naturellement, d'une certaine manière, vont, dans ce que j'appelle, supporter le train de vie des autorités. On devrait diminuer pour créer un souffle pour la population qui, naturellement, paie beaucoup d'impôts sans avoir assez de revenus. Et je veux que, dans cet entendement, les gens doivent comprendre que nous devons faire une croissance d'environ 15% chaque année, en commençant par 2020. Et on aura naturellement un budget au début de 1 000 milliards qui aura été rabaissé par rapport à l'actuel. Et on pourra avoir cette par croissance. Par rapport à l'actuel qui est de 2400 milliards. Oui, oui, oui. Et on pourra aller jusqu'en 2027 avec un budget qui oscillerait naturellement vers les 2300, 2400 milliards. Donc, ce sera au total un budget de presque 12 000 milliards qui pourrait naturellement financer ce projet colossal, comme vous l'avez dit, un projet qui doit donner la satisfaction au peuple burundais Et je crois qu'à ce niveau, je connais ce que je dis. Et c'est un travail qui a été nécessairement, je dis, travaillé par beaucoup de personnes autour de moi, des gens qui savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, mais les sources de financement. C'est les impôts, naturellement. Il y a même des questions auxquelles j'ai essayé de répondre, des gens qui me disent, qui croient que les présidents ou des gens qui viennent au pouvoir, ils viennent avec de l'argent. Non, ça n'existe pas. C'est même, je crois, punissable par la loi. L'autorité qui va venir ne va pas venir avec de l'argent. Il doit travailler avec ce qui est disponible. Et qu'est-ce qui finance un budget ? Les budgets sont financés par les impôts et les taxes de la population. Et deuxièmement, par la coopération possible avec des soutiens, des pays, des dons ou, si vous voulez, des aides ou même des prêts. Et je crois qu'à mon niveau, nous avons marché dans ce pays jusqu'avant 2015 avec une logique où le Burundi arrivait à satisfaire son budget presque à moitié. Et l'autre venait dans ce pays avec le concours des partenaires, ce qui n'était pas mauvais. Aucun pays au monde ne peut vivre sans un déficit qui est comblé par des parts des partenaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller dans une logique à satisfaire cette volonté par la production. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur la production. Nous devons être dans un pays qui met en avant naturellement la production afin de permettre à la population d'avoir des revenus et afin de donner leurs impôts avec fierté. Quand l'impôt devient trop lourd pour le peuple, c'est très mauvais. Et c'est pour ça que je dis, ça tue l'impôt. C'est pour ça que moi je dis, je préfère diminuer des impôts, mais des impôts qui sont donnés avec fierté, des impôts qui vont être injectés dans la production pour créer un plus qui, dans moins de 3 ans, nous permettra, comme j'ai dit, de satisfaire une vie sociale et culturelle humaine dans ce pays honorable. Mais quand est-ce que ces changements que vous prévoyez, quand est-ce que les Burundais les verront? De façon pragmatique, il y a certaines choses que les gens vont voir même le premier jour. Il y a des choses qui découlent d'un discours politique. Dans ce pays, nous vivons la peur de l'autorité. La peur que quand vous direz quelque chose contre l'autorité, vous allez en subir les conséquences. Je crois qu'au premier jour de mon investiture, les Burundais doivent avoir un discours différent, un discours qui n'accuse personne. Comme je l'ai dit, ça fait 14 ans que je suis en train de créer cette dynamique politique. Je n'ai pas à accuser qui que ce soit parmi les anciens gouvernements de ce pays. Je veux créer une génération nouvelle qui n'accuse pas. Par ailleurs, on le dit dans notre langue, tout le monde ne te donne que ce qu'il a. On le dit aussi en français. Donc, je sais que moi, tous ceux qui nous ont gouvernés, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et moi, je veux une nouvelle génération qui ne vient pas accuser, mais qui vient créer des opportunités. Mmh. Et avec ça, je veux que ce discours arrive à créer une indépendance publique. Que dans ce pays, tout le monde se dise, moi, je peux être contre Francis, je peux le critiquer, je peux dire ce dont j'ai envie. Librement. Et personne ne pourra me faire du mal. Je veux que les gens comprennent que moi, je suis suffisamment affranchi au niveau de la vie, au niveau de mon humanité, au niveau de ma conviction politique, telle que je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui me critique, à quelqu'un qui dit du mal de moi. Je veux que même les gens arrivent à le faire. Si les gens veulent faire des gribouilles, si les gens veulent me caricaturer, qu'ils le fassent, qu'ils le disent à haute voix, parce que moi, je veux être ce dirigeant qui croit en l'avenir, qui veut prouver qu'on peut vivre en paix. Et avec ça, j'aurai un gouvernement qui n'a pas peur et tout le monde pourra dire ce dont il a envie. Et naturellement, nous, ça nous poussera à faire grandir la capacité de satisfaire le peuple dans ce qu'il demande au lieu de le... Mais qu'est-ce qui pourrait faire croire à nos auditeurs que Francis Rohero dit vrai, que la parole et l'acte iront de pair s'il advenait qu'il soit élu président? J'aurais aimé que, par exemple, la plupart des Burundais arrivent à comprendre ce que j'ai dit au début. L'engagement, c'est quoi? Parce qu'on est habitué à voir dans ce pays des autorités qui, cette année, vous disent une chose, l'année prochaine, ils changent. Oui. Qui changent autant que le vent. Et moi, je dis, je veux que les gens essaient de se poser des questions. Je veux que les gens fassent des recherches. Qui est Francis depuis 20 ans? Qui est Francis depuis 30 ans? Où est-ce qu'il est passé? À quelle école? À quel endroit il est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu? Je veux que les gens comprennent que la constance que j'ai dans ma vie, que ce que je suis en train de faire en politique, ce n'est pas des choses que je rabâche et que je vais vomir demain. C'est des convictions que j'ai, que j'ai essayé de partager à toute ma génération. J'ai été traité les dernières années de quelqu'un de... de bête parce que j'ai quitté un parti politique qui était au pouvoir. J'ai été traité de paix ambitieux parce que je devais chercher des biens matériels. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent finalement il avait raison et qui aujourd'hui me respectent, même s'ils ne le disent pas. Mais qu'est-ce qui vous fait espérer, M. Francis Rojero, la victoire étant indépendant? Oui, d'abord, étant indépendant, il y a quelque chose de mieux aujourd'hui. Nous avons une génération jeune aujourd'hui qui a entre 18 ans et 32, qui aujourd'hui oscille autour de 66% des électeurs, tout parti confondu. En tant qu'indépendant, aujourd'hui, je veux donner la chance aux Imbonerakure, aux jeunes de tous les partis politiques, des JRR, de l'IPRONA, des je ne sais pas comment on les appelle dans les autres partis politiques. Je veux que tous ces jeunes comprennent que leur avenir, ce n'est pas le nom d'un parti, ce n'est pas l'insigne d'un parti. C'est vraiment pas le drapeau d'un parti, mais c'est la capacité d'un leader de pouvoir investir dans ce qui leur donne la vie. Et grâce à ça, aujourd'hui je le vois, mes livres ont été distribués dans ce pays à tous les jeunes des partis politiques, à tous les jeunes même de la société civile. Et grâce à ça, je sais que même sans donner un t-shirt à qui que ce soit, sans lui donner une casquette, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'adhérer à cette conviction. Et je crois à la victoire, pourquoi? Parce que ces jeunes sont capables de créer la surprise. Oui, nous vivons dans une peur. Une peur qui n'a pas besoin nécessairement qu'on s'exhibe naturellement. Mais je veux faire comprendre à ces jeunes qu'on n'a pas besoin de crier, qu'on n'a pas besoin de faire de la bagarre dans les routes. Mais par contre, qu'on peut le faire dans le silence le jour des élections. Et que le soir, on verra notre victoire dans le calme. Et une question qu'on aime adresser aux autres candidats, c'est à propos de la pandémie, du coronavirus qui fait, au monde, qui fait mal au monde entier. Depuis fin 2019, vous ne pensez pas qu'elle pourra empêcher le déroulement des élections au Burundi? Oui, elle pourrait, je crois, c'est normal, ça dépend. Jusqu'à ce jour, on a enregistré quelques cas, et malheureusement avec un décès dernièrement. Je paie à son âme, c'est un Burundais, et il faut qu'on pense à la vie des nôtres. Et cette pandémie pourrait, oui, empêcher, au cas où, dans les jours qui viennent, on pourrait enregistrer des cas énormes. Je crois que moi, je pense à la vie des gens. Je ne serais pas franchement tranquille de voir que les gens sont en train de mourir et de nous voir, nous tous, en train d'aller aux élections naturellement. Et c'est-à-dire que nous tous, on sera en danger, peu importe nos partis politiques ou nos obédiences. Donc, je veux que les gens comprennent. Mais j'espère jusque-là que ce ne sera pas le cas. J'espère que nous tous, si on s'en tient à des mesures telles que le ministère l'a dit, je crois que, comme vous, vous voyez comment on est assis, on est à un mètre. Si on continue à respecter, à nous laver les mains, à essayer vraiment de fermer comme il le faut, parce que cette pandémie est venue d'ailleurs. Au fait, ceux qui l'ont amené, c'est des voyageurs. Donc je me dis, si on continue à essayer de limiter, et si on dit à tous les Burundais qui ne sont pas encore là, mais qui voudraient retrouver leur famille, de s'abstenir de venir nécessairement très vite, ou de vouloir se faire dépister, et qu'ici, dans notre pays, on essaie justement de contrôler parce qu'il y a des fuites. On sait, on entend parler qu'il y a des gens qui entrent, peut-être par d'autres moyens. Je pourrais dire que le gouvernement fasse encore des efforts pour limiter les dégâts. Et naturellement, les élections pourront se passer très bien. Parce que pour moi, je crois que les changements que nous voulons pour ce pays sont encore aussi plus nécessaires que le mal que pourrait faire cette maladie. Et je veux que les gens comprennent qu'on doit aller jusqu'au bout. Mais alors, pour le reste, vous vous préparez à accepter les résultats des urnes pour la présidentielle? C'est la victoire ou c'est la défaite? Oui, en principe, quand vous allez dans une compétition, vous vous préparez à tout, à une victoire ou à une défaite. C'est même un peu honorable. Mais naturellement, il faut que chacun se pose, Des questions. Moi, vous préparez déjà deux discours, discours de défaite et discours de victoire. J'ai ces discours parce que quand vous comprenez mon discours, ce n'est jamais un discours belliqueux, c'est-à-dire accepter, même aujourd'hui dans la place que j'occupe, je vis au Burundi naturellement. Je constate beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, mais je sais me tenir et vivre naturellement dans ce pays. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est-à-dire nous allons dans une compétition. Une compétition qui engage tous les Burundais, une compétition qui engage nos vies. Et autant qu'ils nous engagent, nous tous, je veux que les gens s'engagent à protéger leurs élections. Que les gens s'engagent vraiment, la population, les forces de l'ordre, les autorités, tout le monde, je veux qu'on s'engage à protéger nos élections. J'encourage la CENI, que ces gens-là comprennent que l'avenir de ce pays est entre leurs mains et qu'ils doivent se tuer. Ils doivent se sacrifier pour créer la surprise, nous donner vraiment la réalité des urnes. Francis Lohero a-t-il des mandataires sur les lieux de vote, les bureaux de vote? Oui, naturellement. Je crois que ça a été la surprise pour beaucoup de gens parce que les gens croyaient qu'un indépendant, c'était quelqu'un qui était seul. Ce n'est pas le cas. Un indépendant, c'est quelqu'un qui est organisé. Nous avons une organisation nationale, des organisations provinciales et communales. Et jusque sur les collines, nous avons donc préparé des mandataires qui ont été accrédités par la CENI et c'est en collaboration. C'est sur tous les bureaux de vote? Pas tous les bureaux de vote, je crois. Bon, d'abord, il y a eu une entrave parce que on les avait préparés, on croyait qu'on allait donner une liste à la CENI, mais naturellement, par après, ils nous ont dit qu'on devait aussi préparer des copies de cartes d'identité. Donc, ce qui a été difficile, il y a certains coins où, dans la semaine qu'on nous avait donnée, on n'a pas vraiment été capable d'arriver pour prendre ces copies. Donc, mais dans tout le pays, nous avons eu vraiment un nombre important de mandataires. Et nous croyons qu'en collaboration avec tous les autres, on pourra le faire. Donc, pour l'instant, au moins, nous avons des mandataires dans toutes les communes. Ouais. Et il y a des espoirs ou des craintes à quelques jours des élections? Oui, je crois que pour moi, comme d'habitude, l'espoir domine sur le désespoir parce que je suis grandi étant quelqu'un qui sait se battre pour arriver à ses fins. Je n'ai jamais rien reçu gratuitement, je ne le voudrais pas. Donc, je crois en ma force, je crois en la force de la jeunesse de ce pays, je crois en ce peuple burundais et je crois que ce que je pourrais craindre n'est pas si important que ce en quoi je crois. Je crois que c'est normal. On n'est pas au ciel, on est sur terre et on est prêt, franchement, à nous battre pour notre logique. On est prêt à composer avec tout le peuple burundais pour arriver à des résultats honorables. Je crois que c'est normal. Estimez-vous que vous ayez des chances de battre les 6 autres candidats présidents le 20 mai? Pas seulement des chances. Naturellement, les 7 candidats, ils ont les mêmes chances. Ouais. C'est vrai, il y a certains qui croient qu'ils sont connus. Oui, aujourd'hui, vous avez les mêmes chances. Oui, il y a certains qui croient parce que ce n'est pas le fait d'avoir un parti, ce n'est pas le fait que vous êtes connu depuis très longtemps qui vous donne des chances. Aujourd'hui, je crois que la grande chance, c'est ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui a besoin de quelque chose de meilleur, ce peuple qui croit au changement. Et je ne crois pas que le changement aujourd'hui puisse être compté sur ceux qui ont créé les difficultés. Donc, je crois au changement naturellement et je crois aux chances de pouvoir gagner dans ce pays en 2020. Y aurait-il un appel à lancer à différents intervenants dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections? Oui, j'appelle toute la population et d'abord les autorités, la CENI et tout le monde, d'abord de croire aux élections parce qu'il y a des gens qui vont aux élections sans y croire. Il y a des gens qui y vont en croyant qu'ils sont déjà prédestinés pour gagner. On en a même entendu des gens qui disent qu'ils ont été nommé par Dieu. Donc, ce qui est vraiment dommage, je veux que les gens comprennent qu'on va aux élections pour compétir et que si on n'a pas les meilleures propositions, que si on n'a pas le soutien du peuple, on ne sera pas élu. Je veux que les gens le comprennent. Et dans ce sens aussi, je veux que les gens comprennent qu'on doit être souple. Si les gens sont battus alors qu'ils ne l'espéraient pas, ils ne le croyaient pas, il faut qu'ils l'acceptent. Je veux que la non-violence nous caractérise. Je veux que les gens croient en l'avenir de ce pays qu'uniquement à un résultat des élections. Je veux que les gens comprennent que ce soit les membres de la CENI, que ce soit les autorités gouvernementales ou tous les autres qui veulent quelque chose dans leur avenir, ils croient plus en l'avenir, plus en ce qu'ils vont devenir, qu'uniquement en des postes qui pourraient leur être offerts. Merci, Monsieur Francis Lohero. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant pour le fauteuil présidentiel. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Merci à vous et je crois que la radio Isanganiro nous fait honneur comme d'habitude. Et je crois que la population qui nous suit pourra naturellement nous honorer par son soutien jusqu'au bout. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Mise en onde par Aimé Toussaint Mitewutsi, réalisée par Leonidas Kirombo. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque.